3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Knicks in 5. Oh, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Salut les amis, les playoffs battent leur plein et on peut dire qu'on se régale. On a un premier tour entre les New York Knicks et les Philadelphia Sixers qui respirent bon les playoffs, des dramas, des petits déclats, des histoires d'arbitrage, tout ça, il y a plein de choses à se mettre au programme de cette émission numéro 88 sur KNF TV, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de l'actualité Knicks en français. Oui, oui, il y a des choses qui se passent dans la langue de Shakespeare. Nous, on le fait in French. In French. Pour m'accompagner, toujours Seb. Il a sorti le beau béret. Comment tu vas? Ah, il n'a pas sorti que le beau béret. Il a sorti aussi le beau t-shirt. Ah, là, ça va bien. Ça va bien. Bah, hier, le match était... fou. C'était de folie, quoi. C'était... La semaine était folle. On est pas... bon, la semaine était folle, mais... justement, parce que ce qu'il s'est passé dans la semaine... Hier, le match avait une double saveur. Une autre consonance, une autre résonance vis-à-vis de la série. Et on va en parler, on va pas perdre plus de temps. Vous le savez, comme à chaque fois, il y a beaucoup de choses à se dire. Donc on lance le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière sur la planète Orange and Blue. Allez, c'est parti. Alors, des Knicks fans, on en voit partout en ce moment. On en voit même à Philadelphie. Ils chantent, ils festoient, ils envoient des petites chansons et des petits messages à Joel Embiid. Et des Knicks fans, il y en avait où hier? Il y en avait au Hideout Paris, Gare du Nord, pour la KNF Viewing Party de Playoff pour le match 4. On était très contents de recevoir pas mal de monde pour cette nouvelle Viewing Party. On espère qu'on aura l'opportunité d'en refaire une autre, hein. Sait-on jamais, en début de second tour, pourquoi pas, le calendrier pourrait nous permettre d'organiser une autre fois un événement de ce type. C'était une très belle ambiance, les gens ont vibré, les gens ont eu chaud, les gens ont pesté contre tout un tas de joueurs, arbitres et autres. Mais voilà, ça a permis de passer un super moment avec des Knicks fans sur notre repère habituel. Donc un grand merci à tous ceux qui ont pu se déplacer pour cet événement. C'est un dimanche, donc on le sait, c'est pas forcément évident pour tout le monde de pouvoir se rendre disponible, mais en tout cas le hideout était plein et les visages étaient pleins de sourires, et ça fait plaisir. C'est pour ça aussi qu'on existe, Knicks Nation France, pour la réalisation et la tenue d'événements, parce que voilà, le digital c'est bien, le réel c'est quand même tout ce qu'il y a de mieux. Bon, ça c'était pour parler de l'actualité associative. Il y a de l'actualité en NBA, oui, il y a de l'actualité en NBA au sens large, et ça y est, les playoffs sont lancés, donc on a déjà les premiers retours sur les votes, les awards de fin de saison régulière. Alors on savait déjà que les Knicks ne seraient pas vraiment dans la course pour tous les awards individuels, que ce soit Coach of the Year, Six Man, Meilleure Progression et compagnie. Voilà, il n'y avait pas de finalistes chez les Bookers, mais voilà, on a eu le résultat de certains votes. Et c'est avec un petit peu de surprise qu'on a vu Jalen Brunson figurer dans les votes de MIP, qu'on a vu également Bojan Bogdanovic figurer dans les votes de Meilleur Sixième Homme. Alors, est-ce que c'est peut-être plus par rapport à son passage à Détroit? On peut se poser la question. Et puis récemment, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a vu que notre cher coach Tom Thibodeau arrivait cinquième au classement au vote des meilleurs coachs de l'année. Une deuxième place à l'Est, des playoffs qui continuent sur la bonne lancée des Knicks. Hein. Et voilà, une cinquième place plus que méritée avec une nouvelle belle saison de coach Tibbs. Qu'est-ce que tu en penses de tous ces votes et de ces retours de vote, Seb? Est-ce que ça sent bon pour les All-NBA? Pour Jalen Brunson? Pour Brunson, bien sûr. Bah, il y sera. Après, comme on en a parlé déjà, quelle équipe? Moi, je pense qu'il sera plus dans la deuxième. Après, jusqu'à présent, au niveau des votes, au niveau des récompenses individuelles... rien de scandaleux. Non, Nasri dans le sixième homme, oui. Qu'est-ce qu'on a eu? Ben voilà, le coach d'O'Kessy, évidemment. Une saison incroyable avec ce groupe. Même si, je pense que le coach des Minnesota Timberwolves l'aurait aussi mérité quand même, parce qu'il était en progression par rapport à l'année dernière. Et puis l'équipe était plaisante à avoir joué. Après, peut-être que ça faisait trop de distinctions, parce que si t'as Nasrid qui prend le sixième homme et que t'as Rudy qui prend le défenseur de l'année, Ça faisait peut-être un peu trop de Wolves dans les récompenses. Donc voilà. Non, pour l'instant, ça ne me choque pas. Et puis bon, la place de Thibodeau n'est pas volée. Comme certains l'ont souligné, comme nous aussi, on l'avait souligné ici. Cette saison est quand même très particulière avec son lot de blessures. On a cru qu'à un moment donné, ben, peut-être que l'équipe allait lâcher, tomber au classement. Et puis ça a été tout l'inverse. Ça a été tout l'inverse, puisqu'on arrive à se rapprocher et à décrocher la place 2 de l'Est. Ouais, donc il a tiré la quintessence de ce groupe, quoi. Il a Il est réussi à arrivé faire à des des miracles. ajustements en cours de saison avec un effectif tout, quand même bien touché par les Et des blessures. joueurs, qui ont adhéré complètement au discours aussi, hein. Et des joueurs qui se sont ralliés derrière leur coach, qui ont fait confiance à ce qu'ils prônent. Et puis voilà, donc on a ce groupe d'Enix qui marche bien. Tout ça permet de faire une très bonne transition avec un autre élément qui a fait un peu discuter sur la toile la semaine passée. C'était le fameux sondage de The Athletics qui a questionné plusieurs joueurs de la ligue, plusieurs joueurs NBA concernant tout un tas de questions. Qui est le GOAT? Quelle est la meilleure salle dans laquelle vous préférez jouer? Et puis aussi, quel est le coach pour lequel vous ne voudriez surtout pas jouer? Le dernier coach de la ligue pour lequel vous voudriez être coaché? Et malheureusement, c'est Tom Thibodeau, encore une année, qui finit numéro 1 de ce classement de la loose, enfin de l'antipathie, du manque de charisme ou que sais-je, un classement de l'impopularité du coach. Alors forcément, ça fait parler. Fallait regarder ça un petit peu plus près quand même. On est sur un classement, sur un sondage, bon, qui est fait bien sûr sous couvert d'anonymat. Une question qui est quand même posée de façon plutôt négative, hein. On n'a pas posé la question de quelle était la franchise sur laquelle les joueurs n'aimeraient surtout pas aller jouer. Hein, ça, on aurait été curieux de voir ce genre de résultat. Mais en tout cas, Coach Thibodeau qui ne fait pas l'unanimité auprès d'une partie, d'un panel, Ben, hein. Il n'y a que c'est ça. 77 joueurs qui ont répondu à cette question, contrairement aux autres questions bon, déjà, et 46%, donc ça fait à peu près 40 joueurs qui ont indiqué que Thibodeau était le coach pour lequel il n'aimerait C'est pas jouer. représentatif de quoi que ce soit, ça. C'est peu, parce qu'en final, on se rend compte que la ligue, il y a 450, 500, 600 joueurs par Ouais, rapport bah au two-way c'était le contract petit et compagnie. c'était le petit calcul que j'ai fait et que j'avais partagé sur X, quoi. J'avais marqué que à peu près, ouais, tu comptes 450 joueurs, voilà, tu comptes un roster, c'est 15 bonhommes environ. Donc tu comptes, voilà, ça fait environ 450 joueurs. Donc tu as 77 votants sur les 450 joueurs. Donc ça représente 17%. 17%. Donc ce vote, donc les 77 votants, ça représente 17%. Et sur ces 17%, eh ben, tu en as 46. Ouais, non, ça représente rien du tout. C'est des trucs, c'est du buzz, faut faire du buzz. Ça ne veut rien dire. Ce genre Sachant que de. Mais ce le panel est tellement sondage. faible. Sors-moi un truc avec 300 votants. Voilà, 300 votants, Voilà, là, là, je ça te dis, sera ok, c'est représentatif. Hein. représentatif. 77 bonhommes sur 350, là, enfin, ou sur 450, non, c'est pas ça. Ça représente Mais rien. voilà, en tout cas, ça a permis d'avoir des sorties de Josh Hart, de Dante DiVincenzo, et puis du coach en soi, qui se sont exprimés par rapport à ce classement. Et Josh Hart, on le connaît, c'est un bon client pour tout ce qui est déclaration, sortie dans la presse, sortie sur les réseaux sociaux. Il a dit tout simplement que les joueurs de la ligue étaient soft. Peut-être qu'il y a un peu de vrai. La méthode Thibodeau, elle peut faire peur, mais au moins, elle a des résultats. Donc, on verra si ça permet d'aller si loin que ça et finalement de gagner un peu plus le respect dans la ligue. En tout cas, nous, au niveau des Knicks fans, je pense que le choix de Thibodeau, aujourd'hui, en 2024, au ce début de playoff, il n'y a plus grand monde à le remettre en cause. Mais depuis sa signature, en fait. Je veux dire, depuis qu'il est là, oui, je sais que beaucoup de gens le. De toute façon, quoi qu'il arrive, même. Je pense que même si on était champion NBA, il y aurait quand même des types qui diraient, ouais, Thibodeau, dégage. Donc, c'est pas. C'est une personne, je pense, que les gens aiment bien détester. Parce que bah, il représente pas de hype, c'est pas un ancien joueur qui était flashy, c'est pas quelqu'un qui dégage une bonhomie, c'est pas une personne jeune sur laquelle les gens peuvent s'identifier, non, c'est un vieux roublard qui a roulé voilà sa bosse en NBA depuis tant d'années. Et puis mais il a des principes, il a des principes de jeu, et puis c'est tout, et puis c'est comme ça, et puis il a des résultats, je veux dire c'est quand même un C'est coach qui a surtout des ça. résultats. Je veux dire, à un moment donné, on parle pas de. Sa carrière est encore longue, hein, mais On parle pas de Chauncey Billups ou de mecs comme ça, quoi. Tu vois, à un moment donné, c'est quand même un coach référencé, quoi. Donc, Il a su faire preuve d'un CV de qualité et comme tu le dis, il a des résultats. Donc voilà, c'est peut-être pas le coach le plus populaire de la ligue et encore moins auprès des joueurs, mais limite, peu importe. Tant qu'il fait gagner les Knicks, nous, on ne monte pas plus. Ah oui. Bon, pour faire gagner les Knicks, ça a été compliqué cette semaine, enfin la semaine passée. Il y a eu encore, et vous le savez, de toute façon, sur des séries de playoffs accrochées, il y a des éléments qui font discuter, et au rayon des éléments qu'on fait discuter, l'arbitrage. On va revenir un peu plus en détail tout à l'heure, lorsqu'on va faire la rétrospective des trois matchs de la semaine passée, le game 2, 3 et 4. Mais voilà, l'arbitrage qui est un peu au cœur des discussions, des débats sur la toile. Oui, est-ce que les fautes méritaient des fautes flagrantes? Est-ce qu'il manquait des timeouts? Ah là là. On a beaucoup discuté arbitrage. Je pense que ça sera valable tout le long de ces playoffs parce qu'on sent que les séries sont accrochées, sont serrées, sont disputées. Et que voilà, avec une équipe qui ne lâche rien comme les Knicks, eh bien effectivement, les décisions arbitrales peuvent avoir une influence sur le jeu. Est-ce que, au sens large, la série te semble bien arbitrée aujourd'hui avec 4 matchs de jouer, ou est-ce que tu ressens une sorte de déséquilibre au niveau des coups de sifflet et une équipe qui serait plus avantagée qu'une autre? Qu'est-ce que t'en penses, Seb? Le dernier match était bien arbitré. Le dernier match, je me suis C'est vrai. régalé. Le dernier match était bien. Non, mais c'est vrai. Non, mais on passe le score. Outre le score, ok, on a gagné, c'est génial. Moi, j'ai pas trouvé de trucs qui m'a fait lever ma chaîne en disant, ouais, attends, c'est pas possible. Ou de me Sur ce dire, match-là. ah, on a quand même de la chance. Merci les arbitres. Hier, je trouvais que le match était vraiment bien arbitré, équilibré. Ce qui n'a peut-être pas forcément été le cas sur toute la série. Le match 1, à la limite aussi. Après, c'est que le match 2, voilà, il y a ces polémiques sur la fin du match. Alors, au niveau du temps mort, ça me semble. Moi, le temps mort, pas pris de Nick Nurse, pour moi, il le fait pas, il le fait, mais il perd la balle, donc il n'est plus dans le temps. Après, les fautes. Il y a deux fautes, c'est vrai, des Knicks sur la fin, Jalen Brunson qui tire le maillot, mais à côté de ça, tu as quand même t'as Maxi qui pousse Hart. Mais bon, ok, cette fin de match est vraiment très litigieuse, ça je l'accorde, je comprends. Et si j'avais été fan des Sixers, je pense que Sixers. je l'aurais eu aussi un peu amer sur cette fin de match. Maintenant, après le match 3, c'était une parodie. C'était une parodie d'arbitrage, le match 3. Le match 3, bon, si on passe le fait que Embiid n'aurait pas dû finir le match, parce que bah, quand même, quand tu attrapes un mec, quand il saute et que tu lui tords la cheville, c'est là où il se fait mal. Il se fait mal que quand Embiid fait un strike dans les jambes de Mitchell Robinson et qu'il en perd sa chaussure, c'est là qu'il lui fait mal. Attends, mais c'est le nombre de fautes non sifflées ou de fautes trop sifflées. Genre, à un moment donné, quand t'as Hartenstein qui fait faute avec son menton et qu'on siffle faute, non, mais là, tu sais que. Voilà. Donc, non, ce match, toi, était une vraie, vraie, vraie parodie de basket. En effet, bon, Joel Embiid marque ses 50 points, bravo à lui. Moi, je pense Bon, pas que. Et c'est vrai 21 qu'on avait discuté. Et c'est vrai 21 qu'on lancés, avait je crois. discuté. Avec certains, voilà, certains Knicks fans, donc je passe le bonjour à Nico, qui a une théorie, moi je suis d'accord avec lui, et qui dit que Joel Embiid ne serait pas à 50%. En effet, il est gêné, mais je pense qu'au niveau des infiltrations, des antidouleurs qu'il lui donne, il ne sent pas en fait. Il ne sent plus la douleur, il ne sent pas la douleur. Et quand tu as un mec en fait, qui ne sent pas la douleur, bah, il est quand même libéré d'un poids. Tu ne peux pas marquer 50 points en playoff contre une défense comme les Knicks en te disant bah, je suis à 50%. Et c'est la théorie qu'il avance, et moi je suis d'accord avec lui. En disant, mais donc ça veut dire que s'il était à 100%, il a marqué 170. Peut-être pas. Donc ça n'a pas de sens. Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que ce match 3 a été une vraie parodie de basket. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, sur les 4 matchs, il y en a 2 qui sont en effet tendancieux. Et 2 qui sont, pour moi, relativement bien arbitrés, notamment le dernier. J'ai pas trouvé de scandale particulier. Après, voilà, tu sais que Joel Embiid va aller chercher ses lancers, Ouais, il va ça arriver à fait partie de bien son jeu. placer ses bras, comme JB arrive à bien prendre le devant sur son adversaire direct et puis à freiner pour chercher le contact quand il tire. Ça fait partie, voilà, des petites roublardises. Mais j'ai pas trouvé de coup de sifflet flagrant de me dire ah punaise, on se fait avoir. Sur le dernier match, c'était bien. Je me suis régalé. Et peu importe en fait le scénario qu'il y aurait eu, si on avait perdu, mais on a perdu à la régulière contre une C'est équipe des ça, Sixers qui était meilleure que nous. et on a gagné à la Donc régulière, voilà. c'est Donc clair. ce match, mais voilà. On a gagné à la régulière. Mais tout ça pour dire que. Après, ouais, comme tu dis, on trouvera toujours à redire sur n'importe quelle série, n'importe quel match de playoff. Mais ceci dit, quand même, le match 3 était quand même particulier. Et pour un joueur comme Joel Embiid, qu'on dit, oh, quand même, le type, il est pas là pour blesser, il n'est pas là pour faire mal. Mais qui a quand même une fâcheuse tendance. Bizarrement, à toujours retomber sur les membres inférieurs de ses adversaires. Je veux dire, le type tombe tout le temps au contact et il tombe en mettant ses pieds toujours sur les chevilles des gars. C'est quand même marrant, c'est quand même bizarre pour un type qui ne veut pas blesser d'arriver toujours dans cette configure-là au sol, de mettre ses jambes, ses pieds sur les chevilles, d'appuyer et de rappuyer au cas où. Ah mince, ah oui, d'accord. Ah, c'était vraiment ta cheville. Pardon. Voilà, donc. C'est quand Ça, c'est même la marrant pour un question mec qu'on peut qui. se poser. Est-ce que Joel Embiid est un dirty player? Ça commence à faire beaucoup de casseroles à son dossier. Bien sûr, dans cette série, il y a quelques mauvais coups. Il y en a un paquet. On l'a vu entre autres sur le match 2. On l'a vu aussi sur le match 3. On en a parlé un petit peu. Au match On va 3. revenir sur les actions tout à l'heure. Mais voilà, effectivement, même sur le match 4, il retombe sur une cheville de Josh Hart. C'est effectivement un gros joueur, un Mais le grand coup de dans le joueur. visage de Brunson. De par son gabarit, mais il est difficile aussi d'avoir, quand il y a un joueur dominant, de ne pas venir se frotter aux défenses. Mais quand même, il a cette fâcheuse tendance à, un, réclamer des fautes en permanence, c'est un côté agaçant, certes, mais aussi à faire des mauvais coups sous l'innocence de « Ah mince, j'ai glissé, ah mince, j'ai pas fait exprès, non, j'ai Ouais, pas de non, mauvaises non, intentions ». Et ça fait beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup et non. il ne ressort pas forcément grandi de cette série où, il faut le dire, il n'y a pas vraiment d'adversaire à sa mesure en face. Les Knicks se relaient avec Hartenstein, avec Mitch quand il était encore là, avec Precious Achiuwa sur ce dernier match. Mais voilà, il y a un côté, il domine de par son physique, de par son jeu. Il sait, il a cette science pour aller chercher les fautes, un peu comme James Harden en son temps. Là, on l'a au niveau du poste de pivot. Lui, mais c'est lancé franc, c'est pas un Shaquille O'Neal, il y a quelques années qui dominait aussi physiquement, mais qui n'était pas capable de mettre ses lancers. Donc voilà, ça fait partie de son panel de jeu pour pouvoir aller chercher des points. Mais il y a tous ces mauvais gestes, ces mauvaises actions, fatigants, pénibles à la longue quand même, ce Joel Embiid. Et on comprend aussi un petit peu le désarroi de certains fans des Sixers, et encore plus avec la sortie de Embiid à l'issue du match 4, où il se plaignait d'un manque d'implication des fans. Mais je pense que les fans aussi en ont un petit peu marre de toutes ces jérémiades et ce côté un peu diva de Embiid. C'est pas un joueur qui est très... qui laisse indifférent en tout cas. C'est pas un joueur qui laisse indifférent. Bon, allez, on va Ben reprendre... non, non, non, parce qu'en fait, enfin après, derrière, il est tellement talentueux que il n'a pas besoin de ça, en fait. Il n'a pas besoin de ça pour dominer. Il n'a pas besoin de se rouler par terre sur les jambes des gars. Il n'a pas besoin de chialer tout le temps. Il n'a pas besoin, enfin, je veux dire, le type, il pourrait tellement nous écrabouiller s'il était serein, quoi. Il arrive à aller chercher ses lancers. Il est adroit à 3 points. Il est dissuasif en défense. Enfin, je veux dire, le type, c'est quand même le MVP Si on peut jusqu'à la dire. semaine prochaine, en titre. Et donc, ça montre bien que voilà, il est quand même hyper talentueux. Mais voilà, il a ce côté-là, ouais, sale, sale. Parce que quand t'en viens, en fait, mais après, tu trouves des mixtapes de ses fautes dégueulasses. Je veux dire, il a rien à envier à Draymond Green, quoi. Ce Non, type-là, clairement il a pas pas. de leçon à donner à Draymond Green. C'est il voilà, ben voilà, c'est ça fait partie aussi de son jeu. Maintenant, le type, il a quoi? Il a 30, 31 ans. Tu le changeras plus, hein. Compliqué, effectivement. Allez, on va regarder ce qui s'est passé sur les trois matchs de la semaine dernière. Match 2, match 3, match 4. Un match encore au Madison Square Garden. Et puis la série qui a basculé, qui s'est déplacée à Philadelphie. Le match 2, on l'a dit, les Knicks menaient 1-0 dans la série. C'était un match encore une fois accroché, mais encore une fois, les Knicks qui font pas un bon début de match. Ça devient une fâcheuse et une mauvaise habitude en ce début de rencontre. À chaque fois, on a un Embiid qui va chercher ses points, qui va tout de suite mettre les Sixers sur le devant en termes de score. Et puis les Knicks qui reviennent à l'effort, qui reviennent aussi dans le second quart quand Embiid est sur le banc. Il y a vraiment des Sixers avec et sans Embiid, même si il y a un Tyrese Maxey qui est plutôt bon sur toute cette série. Fort, lui. Mais voilà, c'est clairement pas le même jeu, c'est clairement pas la même façon d'attaquer cette défense des Sixers. Et les Knicks refont généralement le retard dans ce deuxième quart et puis éventuellement dans le troisième. Sur ce match 2, la fin est tout à fait rocambolesque. Les Knicks se font distancer et pour une fois, on n'est pas là dans la place du con. Là où les Knicks avaient été victimes du fameux comeback des Pacers il y a plusieurs années de ça, là, c'est plutôt l'inverse. Ils ont été chercher une victoire à la fin. On n'a pas un super Brunson, on n'a pas un Brunson efficace en tout cas sur cette rencontre. On a retrouvé du Dante DiVincenzo. Il était passé un peu à travers de son match 1. Sur le match 2, il a été plutôt efficace, et tant mieux, et surtout clutch en fin de rencontre. Et Josh Hart. Josh Hart, qu'est-ce qu'on peut dire sur Josh Hart sur ce match Qu'est-ce 2? qu'on peut dire sur Josh Hart? Et il joue 48 minutes, quoi. Il sort pas, et il joue avec de l'intensité, il joue sur les deux côtés du terrain. Épatant ce Josh Hart sur ce début de série, en tout cas. Épatant. Ouais, il leur fait mal. Il leur fait très très mal. Il a par bah, surtout par sa science du rebond, quoi. Là. Hier j'entendais sur un space des fans des Sixers, des gens qui étaient étonnés de voir Josh Hart prendre 15 ou 16 rebonds ou 17 rebonds. Et oui, c'est son Son talent. jeu. C'est son talent. Il arrive à transpercer les défenses, à aller chercher, les ballons. Il sait, voilà, ben, il a cette chance du rebond comme pouvait l'avoir Rodman. Hein, c'est-à-dire, ben, il Et puis il a explique bien envie d'aller Rodman chercher. dans le documentaire. Comment est-ce que le ballon tape sur le cercle, il sait s'il va partir là, bam, bam. Quand tu en viens à récupérer par son gabarit autant de rebonds, c'est que tu as une science du rebond, c'est que tu as une lecture du rebond. Et c'est pas juste de l'énergie, c'est que tu arrives à savoir comment est-ce que le ballon va se comporter. Et il est incroyable. Sur ce début de série, il est fantastique, Josh Hart. On peut rien lui dire, on peut pas Un lui. petit coup de On peut mou pas sur le lui. match 4, mais on va y venir après. En Peut-être, tout cas, mais c'est pas grave, quoi. C'est pas. il répond présent et avec un gros temps de jeu, avec de la présence défensive, ça aussi, on l'a dit. Et sur ce match, on a aussi un bon Deuce McBride, Miles McBride, qui fait encore une fois une belle prestation en Ouais, sortie de banc. bien. Il joue libéré. Et c'est plaisant, et surtout cette action qu'on se remémore tous sur ce match 2 où il arrache le ballon à Tyrese Maxey pour aller scorer derrière sur un rebond, on va dire, offensif. Voilà, un joueur qui joue avec envie, qui a peu de temps de jeu, mais qui le met à profit à chaque fois. Et Oh, ça, il a bah, il faut ses le 20 mettre aussi au minutes, hein. crédit de Tom Thibodeau, quoi. Il a ses 20 minutes, hein, depuis le début des playoffs, hein, notre ami McBride. Donc On est sur c'est des quand même rotations courtes en quelqu'un. playoff, on le sait, mais il a sa place de sixième, septième homme en tout cas. Non mais il fait partie du projet. Là où en début de série, je m'interrogeais beaucoup sur Achiuwa, en me disant mais ah, c'est quand même dommage de se passer de ce gars-là qui nous a quand même montré de bonnes choses en saison régulière, sa défense, son énergie, certains disent son eux seuls, voilà. Et Sur c'est ce vrai que match 2, il lui joue n'était pas. pas là, mais non, mais ni sur le match 1. Et c'est vrai que et McBride, lui, par contre, est présent dans la rotation. Et McBride est un pur produit, Tom Thibodeau. C'est un pur produit, Tom Thibodeau. McBride est ce qu'on a tous attendu de Frank Ntilikina. On aurait adoré que Frank Ntilikina soit le Miles McBride. Bon, il n'avait pas sûrement pas les qualités puisqu'il l'a pas fait. Mais McBride, voilà, il a su développer ce tir à 3 points En qui plus. est, qui est maintenant régulier. Il arrive également à se faire ses petits pull-ups, se créer son propre petit tir à mi-distance. Il arrive à finir sous le cercle. Enfin, et puis sa défense, Ouais. c'est un roquet qui t'accroche le mollet. McBride est un pur produit de la maison de Tom Thibodeau. Ça, il est estampillé, quoi. Et dans son match-up face à un Tyrese Maxey, eh ben c'est le bon profil parce qu'il est rapide, petit, et il arrive à un peu tenir ce Tyrese Maxey, même si l'autre y met ses points quand même. Mais clairement, c'est peut-être la meilleure match-up défensive pour les Knicks en sortie de banc, et ça, Si, c'est est un plus que All-Star. utile. Tyrese Maxey qui est un All-Star. Mais là où Josh All-Star, et c'est Hart a un normal. peu plus de difficultés, OG Anunoby un peu plus, Dante ou GB, c'est pas forcément leur forme non plus d'être des lockdown C'est défensifs. un petit tonneau, McBride, c'est la hein, mission McBride. Hein. qu'il obtient. McBride, c'est un petit tonneau. Hein. Ouais, Il est petit râblé. et costaud. Ouais. Lui, t'as pas envie de jouer au sumo avec lui, hein, ce qu'il t'envoie, il t'envoie sur Saturne. Hein. Donc, non. C'est un excellent joueur qu'on a su développer. Ce type-là, on est allé le chercher quand même mi-second tour. Hein. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. En tout cas, c'est une des révélations de la saison. Et en playoff, il ne baisse pas de rythme. Bon, ce match 2, il faut qu'on parle de la fin de match, bien sûr. Elle est litigieuse, mais, voilà. On a lu en long, en large, en travers le fameux 2-minute report. Alors, bon, dans le 2-minute report, on nous sort les mauvais calls des arbitres. Il y en a finalement deux contre New York qui n'ont pas été sifflés, qui auraient dû être sifflés, mais il y en a un aussi contre Joel Embiid sur cette fameuse action où Dante arrache le rebond et veut ressortir de la raquette. Voilà, donc après, c'est aussi, je pense, des arbitres qui ont laissé jouer le jeu. On était sur un match qui était intense, on était sur des combats de playoffs, et les arbitres, au lieu de faire des coups de sifflet dès qu'il y a un petit contact, même si les contacts étaient là, hein, ils ont laissé jouer, ils ont laissé le flow du match se dérouler. Et malheureusement, les Sixers ont peut-être perdu le match plus que les Knicks l'ont gagné, même si les Knicks ont été le chercher, mais ils avaient tout en main, les Sixers, pour finir correctement cette rencontre. Cette fameuse mauvaise relance, remise en jeu de Kyle Lowry. En plus, c'est un joueur qui a quand même du backcourt, un peu de bagage en NBA, qui connaît, qui a l'expérience, avec un coach qui connaît bien aussi. Nick Nurse, c'était un duo qu'on retrouvait au Toronto Raptors. Et ben voilà, il y a eu des erreurs de coaching, il y a eu des erreurs par rapport à cette fin de match, et les Knicks ont lutté jusqu'au bout, avec GB pour un premier 3 points, puis ensuite Dante DiVincenzo. Et on a vu, revu ces images, et ce Garden qui explose, et ces joueurs de légende, Sprewell, Melo. Melo était présent, hein, avec son ensemble en laine. Starks également, qui était voilà, dans une douce euphorie au Madison Square Garden. Et là, on peut se demander si cette action, cette fin de match où les Knicks font un comeback ou renversent un petit peu le match, est-ce que c'est pas à, ça sera pas à mettre dans quelques années dans les plus grandes actions de l'histoire des Knicks en playoff. On pense bien évidemment au tir à 4 points de Larry Johnson face aux Pacers. Mais celui-là, sur un match 2, franchement, vu le renversement de situation, le dénouement et le hustle mis par les joueurs pour arracher cette victoire, il y a peut-être débat, il y a peut-être discussion en tout cas. Mais en tout cas, voilà, Après, on a kiffé cette fin de non, match. Et cette fin de heureusement que ça match, tourne dans bon sens. oui, voilà. Et puis, non, mais après, cette fin de match, je pense qu'elle aura une saveur particulière si les Knicks font un gros parcours. Quand j'entends parler de gros parcours, c'est-à-dire minimum finale de conf, je pense que cette action On s'en aura souviendra. une aura particulière. Sinon, évidemment qu'on s'en souviendra. Tu fais référence au tir à 4 points contre les Pacers de Larry Johnson. C'est la première chose que j'ai pensé, en fait. Je me suis dit, si l'action de Larry Johnson avait eu lieu maintenant, je pense que Twitter explose. Je pense que les serveurs ne sont plus. Sont en train de fondre, Dimensionné quoi. pour Ah ouais. Mais en règle générale, je pense que si tu ramènes la campagne d'Enix 99 à maintenant, avec les communs, avec les moyens de communication, avec. L'interaction. Je pense que oui, tout explose. Je pense que tout explose. Donc, non, oui, ce tir évidemment restera dans la légende parce que ben, tout y est, le drama de cette action, les commentaires, le fait que ça se passe au Madison Square Garden, face à une équipe comme les Sixers où on sait qu'il y a une certaine rivalité. Enfin, voilà, y a dans cette action, voilà, il y a tout qui. Après, voilà, c'est pas une action qui conclut le match parce que ben, derrière. Non, mais un Ils ont peu quand comme même deux l'action ballons, hein. de comme le tir à Derrière, 4 points ils de ont. Larry Johnson, il y a encore une séquence, il y a encore un peu de défense à faire. Effectivement, Oui. les Sixers se sont plaints, ont voulu protester, faire des réclamations au niveau arbitrage. Mais derrière, il y a deux actions. Ils ont Un deux drive ballons. de Tyrese Maxey qui est contré par Hartenstein. Ils ont un Et ballon, c'est ça. le Comme ballon de parce qu'ils ont l'égalisation Kira. de Embiid qui est à 3 points au buzzer qui loupe, quoi. Donc c'est vraiment, on avait tous les ingrédients dans ce match pour en faire un Et match Hartenstein, historique, épique. Incroyable. Hartenstein a été incroyable sur cette Sur séquence. Messi. Alors, Ouais. ouais, Même sur le rebond il a avant. été. Déjà le rebond. Après, parce qu'aussi, on a un joueur Embiid qui est HS en quatrième quart. Donc, il n'arrive plus à sauter. Et puis, ben, il part. Quand tu regardes l'action, il part de la ligne à 3 points pour aller récupérer ce rebond, se démener autour de quatre joueurs de Philadelphie. Enfin, il est énorme. Et puis oui, cette espèce de chase block là, Maxi le passe de devant, tu te dis bon allez ça, ils vont repasser devant et puis là il le scotche au panneau. Enfin, Sur la planche. Magnifique. Hartenstein incroyable, magnifique. Magnifique. On a ultra kiffé ce match. 2-0 derrière Joel Embiid, de la tête dans le sac, avec un body language qui n'est pas forcément le plus Alors on a su ce qu'il avait mobilisateur. à l'œil, hein. On a su Il ce a une qu'il avait à paralysie l'œil. faciale. Voilà, il y a une Ouais, paralysie faciale. alors ce qu'ils appellent une paralysie, alors attends, parce que j'avais, justement, je m'étais un peu renseigné là-dessus. Il a eu, ouais, je crois, une paralysie de Bell, un truc comme ça. Alors c'est un truc qui se soigne, hein, qui normalement on va pas. Voilà, la paralysie faciale de Bell est une faiblesse ou paralysie soudaine des muscles d'un côté du visage dû à un trouble du septième nerf crânien. Voilà. Donc ça, j'ai Voilà, tiré ça faites d'un ça. magazine médical. Donc ouais, il a cette histoire, non? Je sais pas trop d'où est-ce qu'il a pu contracter ça. Et c'est pour ça en fait qu'il a cet œil là gauche qui clignote, parce qu'en fait il a le côté droit qui est complètement bloqué, quoi. Donc voilà, donc Mais il joue voilà, aussi avec une paralysie faciale, quoi. au-delà du body language et des difficultés qui lui trahissent par son visage, le discours. Voilà, on aurait dû mener 2-0, on est la meilleure équipe, On est on va gagner oui. la série. Bon, ok, admettons. C'était aussi un peu histoire d'influer peut-être sur l'arbitrage qui était litigieux sur cette fin de rencontre. Même si nous on l'a dit, les histoires de temps mort, non, ils sont pas pris convenablement. Donc effectivement, les arbitres n'ont pas donné raison aux Sixers vis-à-vis de ces histoires de temps mort. Après, il y a le contact de Hart, le contact de JB qui tire le maillot. Oui, non, Mais bah bon, après moi dans je cette bataille au ça n'a rebond, pas il y a été eu tellement de sifflé. contacts que... Ça n'a pas été sifflé. Si ça avait été sifflé, voilà, on aurait été triste parce qu'on aurait perdu ce match. Après, ça n'a pas été sifflé. Bon, ben voilà. Je pense que les Sixers sont très heureux de leur match 3. Donc, tu vois, Ah, notre très côté, heureux nous, on du peut être match heureux du match 3, 2. Eux, je pense qu'ils peuvent effectivement. être très heureux du match 3 et de la façon dont se sont déroulées les choses. La série derrière, sur la fin de cette semaine, se déplacer à Philadelphie, le Wells Fargo Center, qu'on connaît bien puisqu'on y a été en février dernier lors de notre voyage associatif. Une très belle salle, il faut le dire. Un petit peu éloignée du centre-ville, mais ça, c'est la démographie et la géographie américaine qui veut ça. Mais voilà, donc le Wells Fargo Center, qui attendait nécessairement une réaction des Sixers. Ils étaient menés 2-0. Ça aurait été compliqué pour eux, 3-3-0. Voilà, donc il y avait réaction attendue. On s'est dit, attention, l'arbitrage ne va pas nous faire de cadeau. Est-ce qu'il y aura une légère compensation pour aller dans le sens des Sixers? On pourrait se le dire. On pourrait se le dire. Il y a des actions dangereuses de la part de Embiid. Un coup de jambe dans les valseuses vers Hartenstein. Derrière, on l'a dit, il agrippe le genou de Mitch Robinson, qui se fait pas mal sur cette action-là. Hein. Enfin, c'est pas là qu'il se blesse. Mais voilà, on a senti un joueur qui voulait jouer salement, dur, physique, mais aussi dangereux. Et ça a été compliqué pour les Knicks sur cette rencontre. Encore une fois, Après on ce le dit match, on le perd. Après ce match, on le perd surtout sur le troisième. On fait un troisième carton horrible. C'est ça. À Enfin, la parce que mi-temps, on fait il y a un. match. Il y a Eh ben, match. à la mi-temps, on est devant. On est quand même devant de 3 points. Parce qu'on a gagné déjà nos 2 premiers tiers. Donc, 58, nos deux 55? premiers quarts, Ouais. pardon. Nos 2 premiers quarts. Donc, on est devant de 3 points. Mais on fait un troisième quart horrible. Où eux trouvent donc le panier aussi grand que l'océan, ils jettent, ça rentre dedans à 3 Une points. pluie de 3 points qui tombe sur les Knicks. Une. 47, 24, je crois, sur le quart. Je peux te sortir, je peux aller te chercher la stat, mais ouais, Compliqué ce match-là de résister. Ah ouais, non, c'était vraiment. Puis ouais, tout rentré là, avec le shoot chelou de Cameron Payne, là, il nous a fait hyper mal. On a mis deux ou trois, lui. Enfin, Ouais. ouais. Donc si bien que ben, on perd ce match-là, mais en se disant quand même, on est resté tout malgré quand même leur réussite à 3, malgré des arbitres qui étaient quand même plutôt Conciliant, Clément. conciliant envers nos amis de Philadelphie. Eh ben, on est resté au contact et on perd de 10 points, mais on est là, on est là, on s'accroche. On a un Brunson qui enfin lance sa série, enfin à 39 des points. pourcentages acceptables. Mais voilà, on a une équipe qui pêche un peu derrière. On a aussi, je pense que voilà, cette blessure de Mitchell Robinson chamboule un peu le plan de jeu de En Thibodeau, deux qui temps, hein. là ben, se retrouve un petit peu embêté. Donc, Blessure en deux temps, ouais, donc. puisqu'il ne fait pas la seconde mi-temps, alors que voilà, il a joué ses minutes en première. Il s'est opposé comme il a pu face à Joel Embiid. Mais voilà, que une flagrante 1. Je pense que si ça avait été un autre joueur, une flagrante 2 était C'est pas à ce que exclure. dit, c'est ce que dit, c'est ce que dit Emmanuel Quickley. Hein. Il dit, je veux pas de, je voudrais pas prendre, je voudrais pas prendre une amende, Non. mais c'est vrai que, tu peux quand même te poser des questions sur, sur le traitement dont tu as eu, dont tu as eu Embiid sur ce match, quoi. On C'était, se rappelle quand les arbitres te disent, ah ben non, ah ben non, ben, tu sais plus ce qui marque. Enfin bref, enfin, c'est assez lunaire quand tu lis le truc. Enfin, il est par terre, il attrape exprès, il joue jamais le ballon, il attrape exprès les jambes du mec, il lui attrape sa cheville, puis après il le jette, puis après quand l'autre tombe, il le jette. Enfin, il n'y a rien qui va dans cette séquence. On Et se on dit rappelle non, ça en va. saison régulière, c'était Josh Hart qui avait écopé d'une flagrante 2 contre, je sais plus si c'était les Blazers ou une autre équipe, Contre les bref. Bulls, avec le pied dans la figure. Contre les Bulls, oui voilà, c'est ça, avec un pied qui était peut-être monté un peu haut parce que voilà, il avait fait une pirouette. Flagrante 2, ça avait Il été avait fait de plutôt la... il avait sévère. fait de la merde. Il avait fait de la merde, Ça... oui, peut-être, mais bon. Mais voilà, là il y avait potentiellement une action portée au visage et donc qui était à vocation de nuire à l'intégrité des joueurs. Là, c'est difficile de ne pas dire qu'il n'y a pas une volonté de nuire. Quand tu attrapes le genou, même si tu relâches, il attrape et il reste pas dessus trop longtemps, fort heureusement. Mais clairement, ce n'est pas un geste naturel. Embiid qui dit je ne voulais pas me je voulais pas me blesser, je me suis déjà blessé par rapport à ce genre de contact. Bah oui, bah alors retire-toi de l'action, reste pas dans les pattes du joueur, quoi. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas le raisonnement. Et derrière, bah oui, bah il finit son match. Il finit son match avec un paquet de lancers francs. Et on le dit, 50 points. Donc derrière, voilà, beaucoup de titres ont été portés sur les 50 points de Joel Embiid. Record en carrière pour lui hein, en playoff. Hein. Mine de rien, il n'a pas fait beaucoup de grosses performances en playoff. Et puis il a des pourcentages de malade, hein. 13, 13 sur 19 au shoot, 5 sur 7 à 3 points. Voilà, donc 19 sur 21 au lancer franc, là où les Knicks, l'équipe entière, en a eu 19, lui il en a eu 21. Voilà, mais après à côté de ça, 4 passes, 8 rebonds. C'est sûr qu'au niveau du rebond, il est moins rayonnant parce que ben, il a cette blessure à la cheville, mais Il il a saute toujours moins. cette science du shoot. C'est en ça, en fait, Bon. où tu te dis, c'est pas nécessaire ce qu'il fait. Après, derrière, il est tellement talentueux qu'il n'a pas besoin de faire ça. Mais après, voilà, après, il faut bien ça. Il faut bien. Je pense qu'il y a de la frustration aussi parce que ben, il sent que peut-être il est moins. Ouais, il est vraiment diminué physiquement, quoi. Et ça s'est d'autant plus vu sur le match d'hier. Eh bien, venons-y. Après le match 3, donc 2-1 pour New York, un match un petit peu bascule, même si ce n'est pas un match impair, on le dit souvent, c'est plutôt les matchs impairs qui font les différences dans ces séries. Là, redéplacement à Philadelphie, il y avait une bonne partie de la communauté des Knicks fans qui avait fait le Comme déplacement d'hab. en train. Voilà, on a vu Anthony Donahue et John Starks, entre autres, dans le train pour Philadelphie. Une salle qui était bien, bien remplie de Knicks fans. On a entendu des chants, des MVP, des sifflets contre Embiid et compagnie. Et là, encore une fois, un premier carton compliqué, comme toujours. Ça devient malheureusement la marque de fabrique de cette série, mais encore une fois, un Brunson qui est présent et qui va nous livrer sur cette Voilà. rencontre le gros match qu'on attendait de lui. Le Si on gros se Brunson dit, Game, quoi. est-ce que le match 3 c'était le Brunson Game? Bah non, c'était le 4. C'était le 4. Et fort heureusement, parce que là, sur ce match-là, Josh Hart, il passe complètement en travers. Pas de réussite. Les lancers, il en laisse aussi en route. Dante DiVincenzo plus discret. Bojan Bogdanovic, on en parle peu, mais il a ses quelques petites minutes en sortie de banc. Et bah il se Bon, reblesse assez vite dans le deuxième quart. sur le match d'hier, dès qu'il débute, il se blesse sur un contact avec Nicolas Batum. Malheureusement, je ne sais pas si on le reverra parce qu'il avait déjà un souci au niveau du Au poignet, donc il poignet, parlait ouais. d'opération. pour cet été. Et là, il a eu la cheville écrabouillée. Alors, est-ce que c'est juste un petit coup et puis il va pouvoir venir? À voir. À voir, mais son apport en sortie de banc et sa menace extérieure au shoot est plutôt importante et plutôt utile lorsqu'on a besoin un petit peu de relais derrière Brunson. Donc là, clairement, sur ce match, c'est Brunson qui porte l'équipe sur ses épaules. On ne l'a pas dit, Mitchell Robinson, il s'est entraîné, mais Mitchell Robinson n'a pas joué sur ce match-là. Alors bon, les Knicks menaient 2-1, ils pouvaient peut-être se permettre de ménager Mitch, et on le retrouvera sûrement un peu plus tard dans ses playoffs. Mais on a eu un Precious Achiuwa qui s'est montré plutôt, plutôt bon. Et, là où Hartenstein a été rapidement pris par les fautes. Et un OG Anunobi aussi. Un OG Anunobi excellent. Un OG, là, enfin, ce match-là, il faut qu'il s'en serve comme de référence pour ses playoffs. Il a été fondamental dans la victoire. Dans la victoire. D'ailleurs, c'est celui qui a eu le plus de minutes jouées, hein, avec 47. Je pense aussi parce que Bogdanovic blessé, il n'y avait plus trop le choix, il fallait qu'il joue. Mais avec lui et Achiuwa dans son alternance de défensive, parce que on avait un Hartenstein qui était donc en délicatesse avec ses fautes, il en a eu 5 rapidement, donc il fallait trouver une solution. Et c'est vrai que d'envoyer donc ces petits gabarits par rapport aux géants Embiid que sont Anunobi et Achiuwa, ça s'est bien démerdé quoi. Et tous les deux se sont passés de bonhomme, à toi, à moi. Ils sont plus véloces, peut-être voilà moins grands, mais en tout cas comme plus rapides, plus ils ont quand même des longs segments. Donc c'est vrai que ça l'a gêné. Et puis au rebond, hier les stats de Giannobi, c'est 16 points, 3 contre et 14 rebonds. Donc c'est énorme, c'est énorme. Son match d'hier à OG a été incroyable. On pense aussi à Josh Hart, qui a peut-être pas brillé par le scoring, mais qui a encore une fois montré une très grande présence au rebond. Et ça a fait la différence. Qui marque 4 points, qui fait 3 contres, qui fait 5 passes, qui prend 17 rebonds, dont 5 offensifs. Il a su se montrer utile à son équipe dans d'autres secteurs. Mais hier, on a vu la tactique qui avait été mise en place par les Knicks. Ça a été, on attaque tout terrain, Embiid. On attaque Embiid, on le fatigue. Et c'était d'autant plus flagrant, c'était sur le pointage de Embiid entre les premiers quarts des mi-temps. Le premier quart-temps et le troisième quart-temps. Il a scoré dans les deux. Dans le premier, je crois qu'il marque 12 points. Dans le deuxième, il marque 10 points. Mais par contre, dans le quart-temps 2 et le quart-temps 4, dans le quart-temps 2, il marque, je crois, 2 points. Dans le quart-temps 4, il en marque 1. Et sur 1 lancé franc. Sur le deuxième quart, il est un peu sur le banc. Par contre, en seconde mi-temps, il fait toute la seconde mi-temps. Et on a senti clairement un Embiid qui était essoufflé quand on pouvait plus. Parce qu'on a passé notre temps, en fait, enfin. Et c'était moi ce que je réclamais. Enfin, ce que je réclamais. Que je parlais comme ça. Ça évidemment, je n'ai pas appelé Thibodeau pour dire « Ah, dis donc !» Qu'est-ce que tu dirais de... C'était de me dire... de cibler Embiid. Il est blessé, il est en délicatesse avec son genou, on le voit, il a du mal à finir les matchs, et il a du mal en fait à sauter. Qu'est-ce qu'on attend pour le fatiguer le gros bonhomme quoi. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait, tour à tour, Brunson, Hart, DiVincenzo, Anunobi, ils sont tous allés au contact par rapport à Embiid, ils sont tous allés le défier. Donc que ça marque ou que ça ne marque pas, l'effort défensif est fait, l'énergie est dépensée. Et au final, ça a porté ses fruits parce que... Qui a bien illustré tout ça, c'est le contre de Precious Achiuwa sur un Embiid à 3 points en fin de rencontre. Voilà, on a senti que voilà, il ne voulait pas lui laisser de panier facile. Et Embiid s'est effacé au fur et à mesure de sa rencontre. Et le contre d'Achiuwa aussi dans les dernières minutes, où Embiid a un tir à 2 points ouvert, mais il veut aller chercher encore une fois le contact, il veut aller flopper un petit peu pour essayer d'avoir un plus 1. Que Nenny, Precious Achiuwa était là pour garder le troupeau et a mis un joli contre. Derrière, balle pour Hart, faute, et puis on a les deux lancés. Hier, on a bien vu en fait, la tactique qui avait été mise en place par Thibodeau. On attaque tout terrain Embiid et on le fatigue pour que il soit moins rayonnant que ce qu'il doit être normalement. Et ça s'est vu, en fait. Je suis pas là pour trouver des excuses parce que je vois quand même il est pas mal descendu. Bon, c'est quand même un type qui est blessé, qui est revenu il y a quoi ? Il y a maintenant 2 semaines, qui est revenu après une grosse opération du genou, qui a une paralysie faciale. Alors, Ok, d'accord, le bonhomme, je sais que moi, je n'en veux pas dans ma franchise. Ouais. J'ai appris à ne pas l'aimer, ce type-là, de notre série. Mais il faut reconnaître, après, le talent du type. Il faut reconnaître son envie de vouloir jouer, d'être là. Parce que ben, je pense que nous tous, ici présents, on aurait ce qu'il aurait eu. On reprendrait une activité normale dans un an, tu vois. Et bon, ben, lui, il est là. Il fait des matchs de playoff NBA contre des équipes de très haut niveau. Hein. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça demande en termes d'énergie. Et ben, parce qu'il est là, il accepte d'être là. Et ben, acceptons à qu'il accepte dans ces cas-là le défi physique qui va lui être lui envoyé, quoi. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait dans ce match 4. On l'a challengé sur toutes les actions quasiment. En première mi-temps, on l'a challengé en Italie. Moi, j'ai Et beaucoup été puis voilà, surpris enfin voilà. de son utilisation voilà, sur la deuxième mi-temps où Nurse ne le sort pas. On sait que c'est pas un joueur qui. Enfin, c'est un joueur qui se fatigue, hein, c'est un gros gabarit. Eh mais il a plus le Voilà, et il choix. l'a gardé toute la seconde mi-temps, quoi. Et Parce bah, qu'il il s'est s'est éteint au dit, fur et à il s'est mesure. dit, je pense qu'il s'est dit, soit Il il va y avoir un dissuade, remake du ouais. 3, soit il va y avoir un remake du Game 3, soit à un moment donné, ses shoots vont rentrer et il va réussir. En fait, non, parce qu'il était beaucoup trop fatigué. Et le truc, c'est que Nick Nurse se rend bien compte aussi qu'il y a une équipe avec et une équipe sans Embiid. Et que quand c'est Paul Reed, cet excellentissime pivot Paul Reed, Playoff P. qui joue et qui est présent, eh ben, l'équipe n'est plus du tout la même, quoi. Donc, Nick Nurse, malheureusement, il n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse jouer ses gars. Et hier, on pourra dire que Nick Nurse a fait du Thibodeau avec 45 minutes pour Embiid et 44 pour Maxi. Ben, parce qu'il est au pied du mur, en fait. Enfin, il est dos au mur. Il a plus le C'est choix. la Il a plus libre. Il réalité faut jouer ses gros des joueurs. playoffs. C'est la réalité des playoffs, des rotations raccourcies et les joueurs stars qui doivent faire gagner les équipes. Oui, il y a des facteurs X, oui, il y Paul a des Reed, c'est role 4 players. minutes. Hein. Ouais. Bah oui, mais forcément, du coup, le pauvre Joël, il est fatigué à la fin de tout ça, quoi. En Eh tout bien, cas, bien sûr voilà, qu'il est c'était un fatigué. super match. En tout cas, on s'est régalé, même si on était un peu stressé tout le long de la rencontre. Les Knicks ont fait la différence C'est en un fin de match de match, sont playoff de revenus. fou, quoi. Ah, c'est ça qu'on aime. Ce n'est clairement pas le même jeu que les saisons régulières, quoi. Ouais, Rien à mais tu voir, vois, rien à un voir. petit, tu vois, pour les nerfs, un petit blowout, tu vois, ça fait du bien aussi, tu vois. On Ça, aura peut-être tu vois, ça. ça, on aura peut-être ça pour le match 5, histoire de finir la série et de déstresser un petit peu, retrouver un peu de sommeil et avoir un cardio qui est un peu moins mis à contribution. En tout cas, Brunson, encore une fois, rayonnant sur ce match, il bat le record de la Oh, franchise, il est anciennement détenu par incroyable. Bernard King, sur le plus grand nombre de points inscrits en playoff. Bernard était à moins de 47, 45 je crois. Voilà, JB qui en fait 47 et pas des paniers faciles, encore une fois. Il a cherché Non. des fautes, certes, un Brunson qui a peut-être été un peu moins ciblé par la défense des Sixers, qui se sont plus attardés sur Josh Hart, et ça a marché vis-à-vis de Josh Hart, mais manque Ah, de mais bol, après, il les a je punis te rappelle Brunson. l'année dernière, je te rappelle l'année dernière sa série contre le Heat, où on parle quand même aussi d'une défense, la élite, à l'époque en tout cas, de l'élite de l'année dernière, où ils avaient Butler, ils avaient Lauri encore, enfin ils avaient. Et à la fin, Spoelstra, malgré la victoire, dit, mais compliqué, Pas de compliqué solution. de l'arrêter. On a pu envoyer un mec, deux mecs, trois mecs. Il arrivait quand même à marquer, il arrivait à trouver les solutions. Enfin, voilà. Donc, après, voilà, il a connu deux matchs un peu compliqués. Est-ce que la coupure qu'il y a eu entre le dernier match de saison régulière, le premier match de playoff, voilà, ce rythme qui est un peu chamboulé. En plus, là maintenant, voilà, il retrouve le rythme de la compétition, il retrouve une rivalité, des choses qui l'ont sûrement saoulé, parce que on n'en parle pas, mais je pense que Oh. la blessure de Mitchell Robinson, il fait un post Instagram. Bon, après, voilà, ils sont très pieux, hein, où il dit, ne vous vengez pas, mais il cite un passage d'un De la évangile Bible. en disant, ne vous vengez pas, mes frères, Dieu va s'en charger, machin, tout ça. Tu sens que ça a dû jaser dans le vestiaire, quoi. Hein. Je pense Ouais. que ça, je pense qu'il y a dû avoir une vraie colère par rapport à ce Et Game on 3. L'a vu, Brunson à un moment s'est pris un contact par Embiid, hein, un coup d'épaule mal placé, intentionnellement décalé. Et voilà, il n'a pas peur de regarder, enfin de jouer les yeux dans les yeux, il a quelques centimètres à lui rendre, mais à le regarder, à le défier, à lui faire comprendre que non, c'est pas comme ça qu'on joue et que c'est des dirty plays de la part d'Embiid. Donc là-dessus, on a senti un joueur qui était habité, qui était en mission, qui a porté l'équipe. Et voilà, si on C'est ça. attendait le Comme Jalen dirait Brunson Michael Game, Jordan, il a pris ça c'était celui-là. personnellement. Clairement, clairement. Ah là là, on a kiffé ce gars match 4. Ça ne sera pas un sweep. 3-1 pour l'instant. Bon, et c'est l'heure tant attendue pour nous de décerner le KNFTV Nick of the Week. Bon, est-ce qu'il y a vraiment une surprise, un suspense, quand on s'est dit que les Knicks ont été chercher un match 4 qui était très important? Ça aurait pu refaire un 2-2. Un retour de la série à égalité à Madison Square Garden, c'est pas la même chose. Aurait pu, On hein. savait, une série de playoffs, ça ne débute réellement que quand il y a une équipe qui gagne à l'extérieur. Il fallait gagner à l'extérieur. C'est Eh bien, ça a ça. La été mission, elle fait, et était ça a été là. fait La d'une belle mission, elle était manière. là. Avec une équipe diminuée encore. Les blessures, on l'a dit, Mitch, Bojan. Mais les Knicks sont toujours là. Les Knicks sont toujours là. Et si les Knicks sont toujours là, bah c'est en grande partie pour ce bonhomme, Jalen Brunson. Ça sera nécessairement notre KNFTV Nick of the Week. C'était Josh Hart sur le match 1. Parce qu'il avait été héroïque aussi et clutch en fin de rencontre. Là, sur les deux derniers matchs, Brunson fait l'unanimité. On a retrouvé le JB qu'on aime. On a retrouvé le JB plus efficace. Et puis finalement, il est peut-être enfin bel et bien rentré dans ses playoffs. Il s'est adapté, il s'est ajusté par rapport à la défense qui lui est proposée par les Sixers. Et peut-être que le boulot va être vite terminé pour passer à la suite. Et en tout cas, on sent un Brunson qui a retrouvé le rythme de la compétition et les sensations qui vont bien pour son shoot à 3, à 2, ce footwork qui laisse les adversaires sur place. Il nous régale ce petit bonhomme, il nous Alors, régale. ça, c'est sûr qu'il sera, en tout cas, il aura une place particulière déjà dans la décennie Knicks, mais aussi, ça avance un peu, hein, Dans en la grande 2025. histoire, dans la grande Mais en histoire tout des cas, Nixers. dans le siècle, 21e siècle, de la franchise des New York Knicks, en tout cas, voilà, il aura une place particulière, surtout si on fait un résultat, surtout si on répète ce genre de résultat saison après saison, avec un Jalen Brunson peut-être multiple All-Star, mais là on s'en lance vraiment, vraiment, on fait de la fiction. Mais en tout cas, voilà, cette signature, finalement, a été Alors, une excellente signature et ce prix est un excellent prix. faudra voir quand on repassera la caisse, à quel prix on le prolonge. En tout cas, Ah ben voilà, à un moment c'est donné, notre le ta tout talent Nick of se the paye, Week. hein, je veux dire. On a fait, on est déjà, si tu veux, l'avoir eu sur ce tarif-là pendant 4 ans, avec cette production-là. Après, à un moment donné, oui, le mec, il va aussi demander, d'être payé à la hauteur de son talent. Et bah, il sera payé, qu'est-ce que tu veux que je te Préparez-vous. dise? C'est comme ça, et c'est normal, et c'est normal. Préparez-vous à avoir beaucoup de millions de dollars par an pour notre ami Jalen Brunson. Oui. Mais ça sera amplement mérité. Ça sera amplement mérité. Bon, c'était notre grosse rétrospective de la semaine passée. Trois matchs et les Knicks qui mènent 3-1 dans la série. Bon, eh ben on va regarder ce qui reste au programme de cette série. Parce qu'elle n'est pas finie après tout. Allez, on regarde ce qui nous attend Non. au programme des Knicks cette semaine. Combien de matchs finalement? Allez, on regarde ça. Et oui, les Knicks, ils mènent 3-1 dans la série. On est rendu au match 4. Il va en rester quand même quelques-uns, on le sait. C'est au meilleur des 7 matchs. Premier arrivé à 4. Bon, 3-1, ça peut se remonter. Ça, c'est vu dans l'histoire des playoffs. Oui. Ça, c'est même vu dans l'histoire des NBA Finals. Donc, attention de ne pas crier victoire trop vite. Les Knicks ont fait le boulot vis-à-vis de l'avantage du terrain. Pour l'instant, ils ont l'avantage psychologique aussi vis-à-vis de ces Sixers qui doivent forcément accuser le coup après cette défaite chez eux. Une série à 2-2, tout était possible, tout était envisageable. Là, le match 5, ça sera dans la nuit de mardi à mercredi, le 1er mai, ça tombe bien. On ne travaillera pas ici pour recevoir les Philadelphia Sixers au Madison Square Garden. Cette fois-ci, il y aura tout un tas de Knicks fans. Ils pourront chanter à tue-tête ce qu'ils veulent en direction de Joel Embiid. On ne doute pas de l'inspiration du moment. Est-ce que Joel Embiid va être aussi bien accueilli que Trae Young? Eh, à voir, à voir. Ce n'est pas les mêmes joueurs, C'est devenu le mais nouvel je. antagoniste de Gotham. Ouais. Bref, les Hawks, on ne les voit plus en playoff, donc qu'est-ce que tu veux? Mais Non, et voilà, en puis tout cas, même, c'est un joueur. les Hawks n'ont blessé personne, hormis notre C'est vrai. orgueil. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est que Trae Young nous a salis aussi par son talent et par son chambrage. Mais derrière, il n'a blessé aucun joueur. Il n'a pas attaqué l'intégrité physique d'aucun joueur. Donc, C'est vrai, hormis, voilà, comme c'est je t'ai à dit, de noter. notre orgueil, de notre. Là, Embiid, on a passé un cap. On a passé un cap entre la rivalité et la détestation. Donc, Je faut sais pas trouver aussi si autre chose. beaucoup de Knicks fans aimeraient voir Joel Embiid aux Knicks. Il fut un temps où, pourquoi pas, c'était un scénario de science-fiction envisageable, notamment avec les connexions avec Léon Rose. Un gros marché, voilà, pourquoi pas. Là, je pense qu'après cette série, sa cote de popularité doit pas être très haute côté new-yorkaise. Donc, on verra en tout cas ce qu'il en est vis-à-vis de l'intersaison. Mais avant l'intersaison, on le dit, il y a encore au moins un match à gagner côté New York. Il y en a trois à aller chercher côté Philadelphie. Est-ce que les Philadelphia Sixers sont en capacité d'aller en chercher trois d'affilée, dont deux à New York? Ça semble peu probable. Mais bon, on a déjà vu des choses un peu particulières dans cette série. Espérons que les blessures tiennent un peu les Knicks à l'écart pendant un petit moment. Match 5, oui, dans la nuit de mardi à mercredi. Puis à suite, les calendriers ne sont pas encore complètement définis. En tout cas, les heures des matchs ne sont pas définies vis-à-vis des matchs 6 et éventuellement 7. Parce que sur ESPN, on joue en back-to-back-to-back. Donc, Disons que voilà, ils ont laissé en friche l'état du calendrier. Si on regarde ce que nous propose en tout cas le calendrier des Knicks, ça serait dans la nuit du vendredi, jeudi, pardon, jeudi à vendredi à Philadelphie pour un match 6. S'il y a un match 6, on peut s'attendre à une sacrée ambiance aussi au Wells Fargo Center. Et s'il y a un match 7, eh bien ça serait dans la nuit, que je dise pas de Le dimanche bêtises, lundi? du 5-5, Du dimanche à... c'est... Ouais, je pense du Oui, c'est dimanche à ça. lundi, je pense. Samedi à dimanche. Dans la nuit du samedi à dimanche. Ça me semble un peu court, En non? tout cas, oui, non, mais c'est indiqué le 5-5. Après, ouais. Non, non, ça serait dans la nuit de samedi à dimanche. À voir. Est-ce que la série va pousser en 7? Bon, la semaine dernière, nous nous étions prononcés et on avait vu le bon scénario. On avait dit que les Knicks iraient s'imposer sur le match 2, perdraient le 3 en réaction d'orgueil et peut-être d'autres choses de la part des Sixers. Ça a été le cas. Et qu'ils iraient s'imposer pour la KNF Viewing Party, et ils l'ont bien fait sur le match 4, pour revenir à 3-1 à New York. Bon, qu'est-ce qu'on annonce pour cette fin de semaine? Qu'est-ce qu'on annonce pour cette fin de série? Est-ce que tu penses, au regard des blessures, au regard de tout le drama qu'il peut y avoir et les déclarations des uns des autres, surtout du côté de Philly, est-ce que les Sixers peuvent aller accrocher encore une, deux, voire trois victoires? Moi, je pense que ça se finit. Ça se finit à Ça se 4-1. finit. 4-1, Knicks in 5, Ouais, je pense que Knicks in là, je 5, pense qu'ils. Knicks in 5. Je pense que déjà d'une, il y a dû avoir quand même un petit coup au moral là, qui a été posé. Comme tu dis, je pense qu'à 2-2, à 2-2, tu retournes en New York. Voilà, Tu peux y balle au croire. centre. Balle au centre, plus personne. Enfin, je veux dire, tout est possible. Là, tu es à 3-1, tu as l'équipe qui est venue gagner chez toi. Dans un match, comme on a dit, à la régulière, il n'y a pas eu de coup de salaud, il n'y a pas eu de coup de sifflet bizarre. Il y a pas là, ça s'est joué, voilà, au point et uniquement au point. Et les Knicks en sont sortis vainqueurs. Donc, j'ai envie de te dire que ça se finit. Par contre, ça serait bien que enfin, là, cette fois-ci aussi, et ils l'ont fait jusqu'à présent, sauf sur ce Game 4, que les coéquipiers de Jalen Brunson emboîte le pas de. Je pense qu'on aurait pu avoir une victoire plus facile s'ils avaient emboîté le pas de. Et je pense au scoring, je pense à un Dante, je pense je pense Hart. aussi à un Josh Hart, même si bon, Il y a de la ses missions production ailleurs. défensives lui demandent déjà beaucoup. Et bon, même s'il score moins, il prend quand même 17 rebonds, comme on a donné ses stats. Hein. Donc, je veux dire, il se roule pas les pouces, le type. Hein. Donc, s'il score moins, c'est aussi parce qu'à côté de ça. Il Il se dégaine ailleurs. fait énormément. Mais voilà, donc je pense qu'il y a possibilité de gagner ce match. Peut-être finalement de le gagner sans trop transpirer. Enfin, sans trop transpirer. Ça va être dur, mais je pense que la décision, elle peut se faire et qu'en gros, dans les 5 dernières minutes, la décision sera faite et on sera devant. Et voilà, on sera dans les 5 dernières minutes, on sera devant de 12-13 points. Et puis voilà, la série sera Il revient finie. pas. On va être en gestion. Et voilà. Mais ouais, si. Je pense que le plan de jeu, je pense que là, Thibodeau a compris que le point faible, était également le point fort de Philadelphie, c'est Joel Embiid, et qu'il faut le cibler, qu'il faut le fatiguer. Après, bon ben voilà, un Maxi, c'est dur d'arrêter. Il amènera toujours ses points, sa trentaine de points, parce qu'il est incroyable aussi, ce joueur. Mais quand même, leur pierre angulaire de tout ça, c'est un Joel Embiid, et un Joel Embiid, là, pour le coup, qui était vraiment diminué. Et eh ben c'est un Joel Embiid qui est moins dangereux. Donc voilà. Donc je pense que ça se finit là, ça se finit bientôt, ça se finit en 4-1 et on sera très heureux comme ça. Ça va très bien, Knicks in 5. Inversement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Nick Nurse a la capacité de faire des ajustements? Est-ce qu'il a la capacité de revoir son plan de jeu? On l'a vu typiquement sortir Embiid de la rotation. Buddy Hield qui ne joue pas sur le match 4, alors que c'est censé être un des meilleurs shooters. Ah, mais à il est points. Pas bon depuis le début de la série aussi. C'est vrai. Est-ce qu'il va tenter un coup et est-ce que ce coup sera gagnant ou pas? À voir. On voit que Nicolas Batum lui est préféré pour sa défense, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Moi, je veux bien après de dire ouais, Nick Nurse, quels vont être ses ajustements. Mais déjà, d'une, il n'a pas non plus un banc de folie. Alors certes, il a retrouvé Chuck Milton. Ouais, alors. Non, DeAndre Melton. D'Anthony Melton. Oui. Alors oui, il est revenu. Milton, il est chez nous. Ouais. Il a joué très peu. Il a joué 7 minutes. Alors est-ce qu'il va jouer plus ou pas, on ne sait pas. L'émission de Oubre, mine de rien, ça fatigue aussi énormément la défense qu'il amène sur Brunson et le Pépère, il le fatigue. Donc bah, ça le comment ça s'appelle, ça le rend moins lucide dans l'attaque. Au moins ouais. Bon offensivement. Après, voilà, t'as toujours un Lowry, t'as toujours un truc, mais pareil, ils commencent à avoir l'âge de leurs artères, hein, ces types-là. Donc, quels ajustements ils peuvent faire? Comme je t'ai dit, leur point fort, c'est également leur point faible. Et tu peux pas dire, bon, ben, pour le dernier match, je me passe d'Embiid où il va jouer 30 minutes. Faire ça, pour le coup, tu te tires une balle dans le pied, parce que ben, Paul Reed, c'est clairement moins fort. Et tu descends de deux étages avec Paul Reed sur la menace offensive, ouais, clairement. Et bien sûr. Donc voilà, donc il n'a pas le choix malheureusement, il va devoir retourner avec cette équipe-là. Il peut pas ne pas continuer à envoyer du Batum ou du Oubre sur Jibi parce que ben là pour le coup, il va aller chercher les 60 points. Donc là, ben, il faut qu'il aille au bout de son idée. Il faut qu'il aille au bout de son idée, au bout de sa façon de jouer. Peut-être que ben, on va avoir encore une fois un big game et puis il va nous ouvrir en deux. À voir comment. Mais je ne sais pas si au Madison Square Garden, on pourrait avoir le même type de game 3 en game 5. C'est-à-dire quand même avec des coups de sifflet chelous et compagnie. Je trouverais quand même ça culotté de venir faire ça à New York. Je pense qu'on va se retrouver avec une configuration comme le Game 4, c'est-à-dire quand même un bon arbitrage. Et puis, ça va se jouer au talent. Et puis voilà. Mais je pense qu'on a quand même les capacités à finir cette série. Je pense que même maintenant, l'ascendant psychologique a été pris, je pense. Et on le voit, les Knicks sont encore focus. Hein, ils le disent, la série n'est pas finie. Oui. Le boulot n'est pas terminé. Donc, on dirait voilà, Kobe Bryant. Encore... Est-ce que le job est fini? Non, le job n'est pas fini. Donc voilà, on verra si la semaine prochaine les Knicks s'imposent en 5. C'est ton pronostic, c'est également mon pronostic. À voir si la série retourne à Philadelphie, qu'est-ce qui peut se passer. Mais ça, on en débriefera ensemble la semaine prochaine. En attendant, on peut quand même avoir un petit coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs dans les brackets. Les playoffs avancent plutôt bon train. On a vu les Suns se faire sweeper par Minnesota, on en a parlé tout à l'heure. Mais ça. Ouais. Bah alors, c'est les premiers qualifiés. Voilà. Est-ce que tu regrettes pas de ne pas avoir signé à New York? Et tu sais que lui, c'est sa deuxième saison d'affilée, hein, parce que l'année dernière, il a été sweepé par Boston avec les Nets. Là, il part. Il y a deux ans. Mais et là, bon, ben voilà, écoute, visiblement, l'apport de Bradley Beal et de son contrat n'a pas payé. Donc ouais, 4-0 sec, sévère. Avec Anthony Edwards monstrueux. Là maintenant on attend cette série entre Minnesota et les Denver Nuggets, parce qu'on sait que on sait qu'il a quand même du mal, hein, Rudy Gobert, face à ce type de pivot, face à Jokic. Donc ça va être une confrontation, ça va être un beau match, ça va être une belle série, parce que bon voilà, on a donc les Denver Nuggets sont à 3-1. Bon, le dernier match, ils l'ont pris un peu en dilettante, hein, les mecs. T'as Ouais. vu, ils sont allés. Enfin, ils se sont entraînés en claquettes. Bon. Il y a eu Non, du retard c'était sur un l'équipement. peu. Ouais, c'était un petit peu. Voilà. Je pense qu'ils vont régler l'heure pour le prochain match. Et je pense que Denver Au va retour à passer. Denver. Après cette nuit, ouais, enfin, le deuxième match qui était retransmis sur beIN, là, entre les Clippers et les Mavs, était super intéressant. Les Mavs ont compté jusqu'à 20 points, donc un peu plus de 20 points de retard. Ils sont quand même revenus. Ils sont arrivés à passer devant dans le dernier quart, dans les dernières minutes. Mais coup sur coup, Paul George et surtout Harden ont eu raison à la maison de Dallas. Donc série 2 à 2. Un match sans On a Westbrook, vu que surtout, un match sans on a vu. Westbrook, hein, qui lui s'est fait suspendre pour un début de Non, bagarre. il était là, il était là, il était là, il était là, hein. Russell Westbrook, il était là, il était Ah, là, il était ça là. parlait de Ah suspension, il n'a pas si. été suspendu. Autant Ah pour moi. ben écoute, le match je l'ai regardé et il Ok, était là, hein, ok, ok. ça, à Ça 100% il parlait était d'une, là. en tout cas, ça parlait d'une suspension le concernant. Bon, il a dû faire marcher les Ouais avocats ben pour écoute, éviter écoute, d'être moi attrapé par la j'ai il patrouille, était hein. là, il a joué 22 minutes pour 5 points, 3 rebonds, une passe, il était là, il était bien là. Ok, autant Et pour ouais moi. donc Je ne me préoccupe pas trop pour l'instant de la conférence Ouest. On verra ça pour les finales. Un Doncic bien ciblé sur la fin du match. Et Harden qui s'est fait plaisir, qui s'est rappelé au bon souvenir de tous. Après, voilà, je pense que la deuxième série qui va être sweepée, ça va être le Thunder face au Pelican. Il y a 3-0. 3-0. Ah, Ouais, peut-être une passe-passe. réaction d'orgueil des C'est PLS chez compliqué. eux sur un dernier Ah, match, mais bon. moins de talent quand même. Beaucoup moins de talent que OKC Et qui est si sûr de sa on. force. Donc, Ouais. je Et pense si que on regarde eux, sur les. la conférence Et à Est l'Est. qui nous concerne Et à l'Est. plus. Donc, bah, écoute, on a. Ben, ces diables de Miami Heat qui sont arrivés à gagner un match Bien. à Boston. D'ailleurs, Joel Embiid a dit, ouais, ne nous donnez pas un match. Bon. Match Oh. suivant à Non, Miami. Jimmy Butler, pas Jimmy du Joel Butler, Embiid. pardon. Pardon, Jimmy Butler. Il est rentré dans ma tête, Joel Embiid. Mais ouais, Jimmy Butler qui ne nous donnait pas un match, machin. Bon. Le match Bah, suivant à résultat. Miami, il n'y a pas eu photo, hein, ils les ont battus comme il faut. Les Cavaliers qui menaient 2-0 comme il faut, on se disait, bon, peut-être qu'ils avaient raison dans leur façon de voir les choses, d'avoir perdu volontairement pour choisir Orlando. Et bien ils se sont fait éclater sur les deux matchs. Ils se sont fait exploser sur les deux matchs. Il n'y a pas eu, y a pas eu débat, quoi. Sur les deux matchs, sur les deux derniers matchs, 83-121 et 89-112. Ça, c'est des gros coups de massue, quoi, sur la tête de Donovan Tu mènes Mitchell, de ses copains. ouais, 2-0, tu te 1-1. fais rattraper 2-2. Bon, la série va 2-2, revenir et à attention, Cleveland, hein. mais elle n'est pas Mais finie. là, t'as des Magic qui sont remontés comme des coucous. Attention, ce match, hein, comme là, ce match-là entre Magic et Cavalier là-bas, il va valoir son pesant de cacahuètes, quoi. Et les Bucks. Les Bucks, alors nous, on a eu des blessures, mais eux. Ils ont eu donc Giannis qui pour l'instant Qui n'est a pas joué toujours en playoff, pas hein. Ouais. qui ne peut toujours pas jouer et qui pour l'instant ne va pas jouer. Et ils ont eu Lillard qui s'est blessé au dernier match, qui n'a pas joué. Au Donc là, match ils sont menés 3-1. 3. Ouais. Ils sont menés 3-1. Ils sont menés 3-1 et ça sent quand même. Ça sent la défaite pour nos amis des Bucks. Parce que tu te dis, bon, allez, sans Giannis, il y a encore Lillard, encore du monde à côté, tout ça. Ouais, Pourquoi mais pas? sans Là, Lillard, c'est plus la même chose, quoi. T'enlèves tes deux meilleurs joueurs. Ouais, là, face à une équipe qui est au complet. Là, c'est compliqué. Complicado. Donc, je Donc pense voilà, on va avoir que. un regard sur cette série qui est à On. 3-1, comme celle des Knicks. Mais un second tour de playoff Knicks-Pacers, ça pourrait rappeler de bons souvenirs. Ça pourrait faire revenir Obi Toppin à la maison. Ça nous ferait un beau duel de All-Star avec Tyrese Haliburton et Jalen Brunson. Miles Turner en pivot face Ouais, à des histoires à Hartenstein. raconter. Il y Il y aurait aura des histoires à encore un peu raconter. d'histoire à faire. Mais bon, ça, on verra la semaine prochaine où on en est. Est-ce que les Knicks se sont qualifiés pour le second tour? Est-ce que les Pacers aussi? Pourquoi pas, les Bucks pourraient renverser On tout le ça, on ne saura sait la pas. semaine prochaine. Soit on Des fois, pleure, il se passe soit on trop de rigole. choses. Tout à fait, tout à fait. Pour l'instant, on a plutôt tendance à rigoler. Même si il y a quelques matchs qui nous ont fait rager, on a tendance à rigoler. Donc on vous rappelle le programme de la semaine, pour sûr le match 5 dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis après, les autres matchs dans le reste de la semaine, s'il y a besoin d'aller plus loin que ce match 5. Voilà, c'est tout pour nous pour cet épisode 88. Les playoffs, le premier tour du moins, va se finir par se terminer. Et les Knicks sont toujours en course. Et ça fait bien plaisir. Bien sûr. Ça fait bien plaisir. Attends. Bon, voisin du dessous, on va rendre l'antenne et on va se Eh retrouver bien oui. lundi prochain, même endroit, même heure, sur KNFTV pour Qualifié, débriefer qualifié. cette fin de saison. On revient qualifié. Je ne veux pas de faux pas. On revient qualifié. Quoi qu'il arrive, la série sera terminée. Après, Quoi qu'il arrive. on verra. On va essayer de ne pas leur porter l'œil, mais en tout cas, vous avez notre prono. Knicks in 5, Knicks in 5. Dites-nous en commentaire en combien de matchs cette série va aller. Est-ce qu'elle peut aller plus que en 6 matchs? En 5 matchs, pardon. Dites-nous tout ça. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine. Profitez des ponts du mois de mai pour ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre. Et puis voilà. Bonne semaine à toutes et à tous à The Next Week et rendez-vous lundi prochain sur KNFTV. Bonne semaine. Ciao, ciao! Ciao, ciao!